Et frère pleure pas, même si ça fait mal. Et puis merde leur passe, on mangera des patates en guise de repas. J'ai du seum sous le palais, cousse, qu'ils aillent tous faire en parler. On va t'aimant sans avoir le goût du zeb sur la lèvre. Lâche le deuil sur la lèvre, car y'a plus de qui soit pas stupide. On a lu notre avenir dans une flaque d'urine. Malgré des barres de rire, des grands sbeuls. Une bande de potes, mais manque de bol. Depuis la garderie, je me sens seul. Y'a que l'instru qui m'apaise, nique les sales putes qui se la pètent. Ils pensent qu'on plaisante quand on rappe des sales trucs qui me rappellent que la vie est courte et qu'il y a trop de loupés. Écoute, faut qu'on bouge, mais la poisse nous colle au pied. Des frères perdent leur daronne, tu te plains pour des pompes qui écrasent. C'est ça qui écrase, mais noyés à peine dans l'alcool. Tu crois que ça t'aidera, voilà j'paiera des pages, t'égras le mic, j'm'écras. Mais cache tes larmes, baisse pas les bras, le taf paiera hein. On m'a appris à rester droit, éviter les baisses de foi. Remercier Dieu, rester discret, non on n'est pas des bêtes de foire. On m'a dit, la vie c'est les contraintes, le système te contrôle. J'ai répondu, c'est nous contre eux, mon gros, c'est laisser les contrôles. On m'a dit, profite de celle qui t'aime, n'en vis pas celle de l'autre. Ta vie c'est 4 sur 26, elle protège ta mère, elle sème de l'or. Tu seras mieux seul, t'es mal accompagné, surveille ta compagnie. Tu vois bien que c'est pas net, elle fait ses crises au campané. On m'a dit, fais gaffe aux traites pour quitter, prêt à tout quitter. J'ai répondu, t'inquiète quand je traîne, mon associé c'est la putette. Sois borné, je donne pas ma confiance sans en avoir cœur net. On est plus 10 dans ma tête, mais je suis seul au monde comme Corneille. Dis-moi, ton pire ennemi, lui se trouve bien dans un miroir. Les apparences sont trop baisses comme la psychose sous marijuana. Nombreux sont les trous de mémoire et amenez-moi loin d'ici. J'mets la voix et j'mets les voiles lorsque j'm'évade en musique. On prend soin de ce qu'on aime, mais souvent si peu de soi. On oublie même ce qu'on est, pardonne à ceux qui nous déçoivent. La vie est courte, faut lui sourire et ça même si ça fait mal. Coûte que coûte, faut réussir et souris si ça le fait mal. On prend soin de ce qu'on aime, mais souvent si peu de soi. On oublie même ce qu'on est, pardonne à ceux qui nous déçoivent. La vie est courte, faut lui sourire et ça même si ça fait mal. Coûte que coûte, faut réussir et souris si ça le fait mal. J'ai rêvé d'un monde meilleur où les soucis se font la belle. Là où un sourire de ma mère suffit, estomper ma peine. Mais la tourmente m'accapare quand le chétan passe à table. Dur de recoller les morceaux de sa vie avec du sparadrap. Dis-leur Tintin, on a bon goût, parole d'un homme. Qui si la vérité ne sort pas de la bouche d'un homme. Mais dites-moi si j'ai tort ou si c'est juste cette vie qui me trompe. Un coup de chasse, un sourire comme dernier avertissement. Tu sais le passé laisse des traces et si nos bêtises sont gravées. Que tes rêves n'ont plus leur place dans cette routine ombragée. Est-ce sombre de jour, je rêve pas d'une vie d'acteur de cinéma. Chef de famille, père idéal, donc je me dois de filer droit. Je prie les soirs et je garde l'espoir et prêche cette bonne parole. Un rap sensé, je suis pas style branché, j'ai pas de grosse bagnole. J'ai rêvé d'un monde meilleur et les temps changent. Franchement, on ne cache pas la peine des gens derrière un pansement. Moi je voulais de l'amour frère, ma mère était si belle. Maman comment je regrette, et pour toi j'aurais pris 6 balles. Pendant que la tienne te dit mon fils, t'as mis ton bonnet toi. Chaque jour je verse une larme en regardant ma belle étoile. Où va le monde je veux pas savoir. Chaque jour je pense à ma mère, cousin je me repasse même sa voix. En gros je suis seul au monde, ouais comme Simba sans Mufasa. La tristesse fait des siennes, oublie que rien n'est effaçable. Laisse-moi dans mon coton, mec on a connu si peu de soi. Et on prend soin de ce qu'on aime, mais souvent si peu de soi. Et merde j'ai le pouce marron, excuse-moi j'ai pas ta tâche. Car on vient de là où pousse la ronce. Docteur dis-moi si c'est grave, j'écris toute la sainte journée. J'ai même pété 6 grammes et combien de problèmes par jour laisse. Bah ouais là c'est ma vie, le sang glacé, les yeux rouges, elle s'en est même là c'est ma vitre. Je parle bien de mon miroir, ce que je reflète c'est pas ce que je suis. Non je suis pas tes démons ni le roi. On prend soin de ce qu'on aime, mais souvent si peu de soi. On oublie même ce qu'on est, pardonne à ceux qui nous déçoivent. La vie est courte, faut lui sourire et ça même si ça fait mal. Coûte que coûte, faut réussir et souris si ça le fait mal.